nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Kaidi Tatam était l'un des rois du broken beat au début des années 2000 à Londres. C'est un flûtiste et pianiste génial qui a participé à la jonction entre le jazz, la soul et la dance. C'est sa philosophie et il a d'ailleurs remixé Amy Winehouse et Ab Findlay par exemple. Là, nous sommes en 2022. Don't rush the process. Et bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la nuit des temps. On ouvre notre bon vieux club. La nuit des temps, Radio Duo. Thank you. Yeah. Carter, what up? Chase, I was 8 days away from sliding bases. Her body banging like Rodney Danger. I'm in the field saying hi to the strangers. Bit the slab, it was painted. Candy dripping and syrup sipping. I think it's raining. Keep it 100, don't try to change me. Officer Doofy is not in training. Come in the part where it's singing. Smell my finger, what the fuck is that? Got them TSA clean. You know I had a couple packs that go fast. Anything said out his mouth could get this dummy whack. Watching other niggas' pockets, why they always coming last? Thought they had a couple of laps, but we was running past. And I ain't really showing no interest until they she love was me back. Right from a Hyundai me. To a Jeep to a Benz, huh? From a Hyundai to a Jeep to a she Benz, was huh? Right from a Hyundai me. To a Jeep to a Benz, huh? From a Hyundai to a Jeep to a she Benz, was huh? Right from a Hyundai me. To a Jeep to a Benz, huh? From a Hyundai to a Jeep to a she Benz, was huh? Right from a Hyundai me. To a Jeep to a Benz, huh? From a pas d'argent, pas de miel. C'est l'un des standards des Chocolate Butter Milk Band depuis les années 70. Chez cette usine à funk emmenée par Harry Eccles, mais des standards pour des collectionneurs de vinyle. Et le groupe continue, pépère, à se produire aujourd'hui dans les petites salles de la Caroline du Nord. C'est Head Game, pour ne pas se prendre la tête. Était un immense chanteur de salsa et ses productions sentaient vraiment la old school. Sa musique venait de Porto Rico, mais lui, il vivait dans l'East Side de Manhattan. Ses productions chaloupaient grave, c'était sa musique de l'âme. Sa musica dell'alma. Et là, nous sommes pile en 1969, autant dire un immense cru. Oiga mi gente, este es un baile. que yo le voy a interpretar a ustedes. Este es el baile que nosotros le llamamos música de alma. Música de alma. Música de alma. Música de alma. Mira muchacho, saca la muchacha que está a tu lado. No, no, no la dejes que te venza, sácala pa'l medio pa' que te baile bien bravo. Música de alma, música de alma. Está acabando. Se lo traigo a Puerto Rico y se lo traigo, oye, de mi alma. Música de alma. Música de alma. Música de alma. Música de alma. La nuit des temps, l'international de la danse. Seu endereço, resolvi telefonar. Alô, como vai você? Senti muita saudade, vou aí lhe visitar, tá? Desfolhando meu caderno de notas, encontrei seu endereço, resolvi telefonar. Alô, alô, é 557, é você, Nenê Elizabeth, e hoje eu quero lhe falar. Não sei se ainda posso lhe chamar de meu amor, não sei se ainda existe aquela velha intimidade. Talvez minha lembrança não lhe seja bem distinta. Sou eu, Joãozinho Boa Pinta. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Para, para, para, para, para, para, para. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Posso lhe chamar de meu amor? Não sei se ainda existe aquela velha intimidade. Talvez minha lembrança não lhe seja bem distinta. Sou eu, Joãozinho Boa Pinta. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. La diversité, les amitiés, rencontrer des gens, mais oui, ça peut changer la vie. Parler avec d'autres gens, ça peut aussi changer la vie. On change les idées, on change de pays, avec Amadou et Mariam, les voyages. On reste encore un peu en 2023, c'était l'année dernière. Et vous, vous traversez les jeudis soirs de Radio Duo. Car danser partout, oui, ça peut changer la vie. La nuit des temps, Radio Duo. En Afrique, en Amérique, voyager partout, ça peut changer la vie. En Europe, les pays asiatiques, voyager partout, ça peut changer la vie. La vie. Bon, faut juste trouver le pognon, mais c'est bon de voyager. On peut voyager loin, mais aussi voyager tout près de chez soi. Avec DJ Caraba, par exemple. C'est une productrice de musique électronique originaire de France. Elle est née d'un père congolais et d'une mère italo-française. À l'âge de 7 ans, elle déménage, figurez-vous, à Montréal. Et elle est également danseuse aux côtés de Drake, Camila Cabello ou Selena Gomez, entre autres. Et je dois dire que j'adore ce titre. C'est Roots. C'est la forêt luxuriante. Et nous sommes en 2022. Oiseaux un peu partout. Des oiseaux qui participent à la musique du monde, avec leur chant et avec leur cri. Les oiseaux qu'aiment tant les musiciens dans l'électro ou même plus classique, comme des musiciens, des compositeurs comme Olivier Messiaen. De quoi tenir un songbook avec tous ces chants merveilleux. Le songbook de Nicolas Cruz par exemple, avec le Jotokoto and Pita. C'est un petit oiseau du Pérou. Et nous sommes en 2015. Thank you. Et alors, ça vient ce powerplay de la semaine ? Ah oui, oui, oui, ça vient tout doux parce que là, c'est plutôt du lourd cette semaine. C'est le producteur Timothy Zachary Mosley. Timothy qui est quand même un peu plus connu sous le nom de Timbaland. Timbaland qui aura façonné le son du début des années 2000. The Way I Are. Timbaland en 2007. Powerplay de la semaine dans la nuit des temps et sur Radio Duo. Listen, baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl, once you get a dose of dough, you gon' want some more. So listen, baby girl, when I make it, I want you there, I want you there, yeah. La nuit des temps, l'international de la danse. Disco des années 70. Nous pourrions être à New York. À New York, dans un club qui fait grandir le groove, le funk, la basse, le groove de Mad Honey. Nous sommes en 2020. La nuit des temps, Radio Duo. Notre power play de la semaine, Timbaland en 2007, Willys, mais cette fois débarrassé des voix pour avoir le son, juste le son et rien que le son. Program greetings. It seems that I've forgotten your name, but it seems that she's done the same. And now something has happened. Suddenly she's been distracted by something that has been attracted. She poked and poked and smacked at it. Then she broke down and she scratched it. Now I think you understand. Clint saw the doctor flex his biceps. Then he picked up a pair of forceps. Her pretty face showed fright. Right then and there she fainted. A really grim picture is painted. frown in the Jimmy Haystack. Saw the fair maiden in the royal bedroom. Caught the king's scratching, so she had to assume that he got vicked by the enemy's trick. The thought of cheating made the maiden so sick that she screamed to scream. Went on and kept screaming, threw a pot and his dome was beaming. You can hear him yelling in the motherland. Baby, baby, please, baby, understand. She ignored and walked through the gate. The king is in the kingdom to await his fate of the enemy. The beauty began to be. Prop master, yes. Please listen to me. What? Something is lurking by the Jim Brown ski. To Jenny? No, not populated. A horrible creature that must be penetrated. He gets on to ya, really tries to do ya. You better run fast, he's going up pursue ya. What? Yo, listen here, Pop Master Wiz, no one fears. Okay, bro, just thought I'd let you know how he lives and how he go. Watch yourself when you're out on the run. The enemy is mess, don't have too much fun. There's four friends of mine who thought they were bad. I laid off the stirrups and now they're sad. They scratch, they scratch like you on Saturdays and... Listen here, this is Cool DJ Redler, known as the crew, the only, the very one, the Pop Master. There's only one thing I got to tell you, there's a whole lot of Pop Masters out there. You know what I mean? Shaheen a Pop Master, Q-Tip a Pop Master, the Jungle Brothers a Pop Master. Étaient du Queens à New York et ils ont fabriqué tout un pan du rap des années 90. A Tribe Called Quest, sous influence de leurs grands frères de quartier, Run DMC et LL Cool J. Et ce sont sur ces années 90 que nous allons refermer les portes de notre bon vieux club, la nuit de temps, ce soir. Mais il va y avoir quelques bonus. Mais on va fermer les portes, mais il y aura des bonus. Mais on va fermer les portes. Et il y aura quelques bonus. Okay, everybody, it's good to see a dance class. Now, get ready, let's go. One, two, three, stretch. One, two, three, stretch. One, two, three, stretch. Ce soir, nous avons accueilli le génial Georges Moustaki qui a bien posé sa philosophie que l'on fait nôtre. Kaidi Tatam et son goût prononcé pour le pipeau à bec. Il y avait également Chris Crack et son baby mama cool. L'usine à funk, chocolate, butter, milk, banda. L'assassin du TNT Band. Joyce Moreno, dont vous pouvez voir le visage sur notre Instagram à la nuit des temps 2. Amadou et Mariam, et leur côté Nouvelle Frontière. DJ Caraba, à la recherche de ses racines. Et puis cette semaine, Timbaland pour sa cathédrale de son au début des années 90. Et Timbaland était en powerplay cette semaine. Il y avait également Nicolas Cruz pour le chant des oiseaux. Et donc on va se quitter comme chaque semaine avec quelques bonus que j'espère bien sentis comme Buddy Miles, qui était rien de moins que le batteur de Jimi Hendrix dans quelques secondes. Ou encore juste après Cassando pour sa soul afro-cubaine. On a bien compris Amadou et Mariam et on va voyager loin encore quelques minutes. Restez bien avec nous sur Duo, car c'est maintenant le moment de lever les yeux vers les étoiles, de regarder le ciel de Saint-Étienne briller, briller, briller comme jamais, et de suivre les jeudis soirs de Radio Duo. vie est une aventure et la question ce soir, est-ce qu'il y aura, après, juste après, les bonus, Axel pour son fantastique qui ou quoi ne pas confondre avec quoi qu'il en coûte ou combien ça coûte. Non, non. C'est la surprise de ce soir et si qui ou quoi est là, eh bien ce sera un plaisir infini d'écouter Axel causer bouquins, musique, idées et promis. C'est bien plus vivant que la grande librairie. Mais comme la vie est pleine de mystères, il faudra attendre pour savoir. Buona notte sur Dio. Salut! Don't you go away and leave me in the dark.